fond de moi, ça a été ça. Un petit qui pleurait beaucoup. Ils ont arrêté mon père et ma mère. Tu sais, il faut être juif pour comprendre ça. Non, je ne crois pas que je lui dis. J'aurais pu le comprendre même en ayant. Tu sais, j'avais un petit copain, c'est bien le seul que j'ai. Il s'appelait Simon, il était d'origine polonaise. Je l'ai su un peu après tout ça. Il avait réussi, ses parents avaient réussi à quitter la Pologne, mais juste autour de 37, tu vois. Et ils étaient venus en France. Alors il y avait son père, sa mère. Il devait y avoir aussi une grand-mère et un grand-père, enfin je crois. Je crois que j'ai vu une fois une personne très âgée dans le fond. Ils avaient une petite boutique, ils vendaient des choses, disons des vêtements d'occasion, tu vois. Ça marchait. C'était installé pas très loin de chez nous. Mon père avait acheté une fois une veste. Et bah lui, il était venu à l'école. Seulement, il parlait pas le français. Il parlait que le polac. Mais très vite, il a appris le français. C'est une flèche. Que quand je l'ai vu, revu, mais il parlait bien. Il parlait bien. À l'école, non, tu vois, je me suis trompé. C'est pas en 37 qu'ils sont venus, c'est plutôt vers 33. Ouais, ils sont venus beaucoup plus tôt. Ils ont été intelligents. Alors 33, bah, j'allais partir au Sana, c'est ça. C'est ça. Puis après, je l'ai revu plus tard quand je suis revenu du Sana. Alors à l'école, bah, tout le monde le regardait. On est tous comme ça. Mais enfin, moi, j'ai pas été comme ça, je suis pas meilleur qu'un autre. Enfin, bon, voilà le petit Polonais là qui arrive. Alors, on sait par l'instit, là, qu'il s'appelle Simon, le petit Simon, il a tel âge. Il est très intelligent, mais il ne parle pas bien le français. Et je crois que c'était lui qui lui apprenait le français. Alors, le gosse, il avait du mal, hein. Mais il avait du mal, mais il savait faire des additions, des opérations, avec des chiffres comme les nôtres. Alors ça, ça collait. Il comprenait très bien ça. On mettait toc, toc, toc, toc au tableau, pfft. Il avait la réponse, mais si on mettait une phrase, si on demandait à quel verbe ça se corrige, à quelle personne et tout ça, il était marron. Mais il a compris très vite. En l'espace de moins d'un an, il parlait mal, mais il savait déjà bien lire et écrire, lire et écrire. Hein. Et puis, ce petit-là, ben, pourquoi on disait ça? Ah oui, enfin, tu me parlais là-bas, c'est ça. Eh bien, ce petit-là, quand il est devenu grand, ben, il a été arrêté. Alors, eh bien alors, j'ai été bouleversé, c'est peut-être que c'est la première chose qui m'ait autant frappé. Comment on avait pu arrêter ce garçon-là? C'était juste au commencement, vers 41, je crois. Alors c'est là, et j'avais déjà eu une drôle d'idée, parce que quand lorsque mon oncle s'est tué, l'âge qu'il avait était devenu l'âge limite que j'atteindrais, après quoi c'était sûr, si je m'étais pas tué avant, là, je mourrais. Mais quand ils ont arrêté Simon, avec toute la famille, ouais, puis après ils ont viré toutes les fringues qui étaient dedans, et ils ont tout foutu en l'air. Ils ont nettoyé, qu'il n'y ait plus la trace de la famille de Simon. Après ça, j'en ai un peu parlé avec ma mère. Et ma mère, elle était comme elle était, mais elle n'était pas sotte, hein. Elle a vu que ça m'avait beaucoup perturbé, ça. Je lui disais, j'avais même... C'est assez rare, tu sais. À 17 ans. Et je m'étais mis à pleurer. Je l'avais dit à ma mère. C'est plus fort que moi, ça me donne envie de me tuer. Et ma mère m'avait très gentiment répondu. Très intelligemment répondu. Je m'en rappelle vaguement, mais... C'est pas comme ça qu'on arrive à régler des problèmes. Des problèmes comme ça, quand ça arrive, c'est pas en se tuant, mais c'est en y pensant et en se disant. C'est dégueulasse, et comment est-ce qu'on peut faire pour empêcher que ça recommence? Alors je lui avais dit, ben, la seule chose qu'on peut faire, ben, c'est de se battre contre eux, mais faut encore trouver les types qui ont ce qu'il faut pour se battre contre eux. Oui, enfin, j'ai pas voulu dire ça, mais je veux dire qu'il vaut mieux autre chose que de dire « je me tue parce qu'on a tué quelqu'un ». Je crois pas. Alors, et si on me tuait, moi, qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, si on te tue, toi, oh, j'espère que jamais je connaîtrai ça. Oh là là. Mais si, tu m'as pas répondu. Ah, je crois que je tuerai le premier que je verrai. Oui. Si tu veux, c'est une manière, oui. Alors ça remonte, tu vois, je sais pas trop comment dire. Ça remonte un peu plus loin, quoi.